Salut Charline. Vous êtes en forme, il fait beau. Ouais, on reçoit qui? Géraldine Payas. Qui dit ça? Géraldine Payas, c'est une actrice. Géraldine Payas. Payas. C'est ce que je viens de dire. Elle vient, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Marie Drucker en mieux. Oui, on la reçoit surtout pour un film, Alex. Moi, je peux regarder le film. Oui, très bien. Tu vas super émerveillé pendant 2 heures. Bon, alors, et l'autre, Guillaume. Oui. Tu fais où ton reportage? Moi, je vais chercher les soutiens politiques de Sarkozy. Eh bah, pars maintenant, mon gars. Silence, tu regardais pas le film? Oui, si, si, c'est le début. Géraldine Payas, c'est pas encore arrivé. Merci. Bon, Guillaume, tu files. Et puis les filles ont trouvé le sujet. Il y a un truc sur le code informatique à l'école. Ah, oui, intéressant. On n'apprend plus le latin, mais l'ordinateur. Si on vivait aujourd'hui, Guillaume Tell, il mettrait un Apple sur la tête de son fils. Alex, toi, c'est le film. Oui, le film. Mais pour l'instant, c'est pas terrible, le film. Ah bon? On voit que Thierry Lhermitte. Il y a un sujet sur les survettes. Ah, nouvelle oui, c'est mode. Bon, oui, puisque vous savez, moi j'habitais une ville en Belgique où on avait cette blague. À quoi est-ce qu'on sait qu'un garçon vient de se marier? C'est qu'il porte un survêt neuf. elle est bonne, elle est bonne. Attends, tu remets ton casque, toi, le film. Pardon, le film. Voilà, et voilà, troisième sujet sur la France, terre de festivals de cinéma. Ah, voilà, ça c'est bien, parce qu'on va pouvoir parler des actrices, Alex, là, tu vois. Silence. Pardon. C'est passionnant, ce film. Ah oui, bah, ça c'est bon, donc Géraldine Payas est à l'écran, on est tranquille pour 2 heures. Ouf. Vous êtes sûr qu'on dit pas Payas? Bonjour la France Inter, bonjour à tous, vous écoutez l'émission qui surveille le niveau de l'actualité et j'ai pas changé de lancement de hier, donc c'est le même, les trois informations qu'il faut avoir de l'eau dans les cas. C'est toujours la crue, vous pouvez avant continuer. 18h. Le code informatique sera enseigné à l'école dès septembre et dès le CP. À 6 ans, les enfants font encore pipi au lit, mais pirater le compte bancaire de papa, ça va aller tout seul. Surtout faites gaffe à ce que vous offrez à Noël. J'ai un iPad. J'ai un iPad. Je suis en possession d'un iPad. J'en ai fait l'acquisition. Ça vous sert à quoi? À rien. Mais j'ai un iPad. La France produit plus de 360 sortes de fromages et 200 festivals de cinéma par an. Rares sont les grandes villes qui n'ont pas leur festival de ciné. D'où venez-vous? De Dijon. C'est là où j'ai commencé mon métier d'attaché de presse. Je m'occupais du festival Moutarde des cinémas. Ah, c'est passionnant. Et ça parlait de quoi? De Moutarde des cinémas. Oh. Formidable. C'est devenu tellement mode de s'habiller en pantalon de jogging qu'on en trouve même sur les podiums des défilés. C'est une bonne nouvelle finalement que la haute couture finisse par avoir des goûts simples. Mais tout me va en fait, c'est fou. Vous remarquez pas, dès que je mets un truc, il prend toute sa dîme. Même un truc qui a l'air... Moche, disons-le. Hein, voilà. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui... Ah oui, vous avez pas changé le lancement non plus, je suis ensemble. Non, je voulais faire un truc avec le jogging, mais non, je vais rien dire. C'est Alex Vizorek. Bonjour Charlotte Anodaker. Et autour de la table, je vous ai amené que du beau gosse. Aujourd'hui, 17h20, dimanche, c'était la journée mondiale du naturisme. Et pour fêter ça, il a déshabillé quelques copines. Bonjour André Maloukian. Bonjour Alex, bonjour Charline. C'est pas la peine de transposer vos fantasmes sur moi. J'en ai assez comme ça. Je vais vous parler d'un pianiste de jazz remarquable qui a une très chouette histoire. Il s'appelle Jérémy Ababou. Ça tombe bien, on connaît pas du tout son histoire encore. 17h30, lui, tous les jours, fête la journée mondiale de la mauvaise foi en face d'être même rebaptisé Journée Mondiale Guillaume Meurice. Bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Alors moi je me suis effectivement rendu à une soirée organisée par les soutiens politiques de Nicolas Sarkozy. Parmi les élus, il est temps maintenant de nous mettre en marche. Ah non, ça c'est Macron. Hein. Ne confondons pas tous les gens de droite s'il vous plaît. Et 17h40, lui c'est l'inverse, c'est le cinéma qui chaque année en hommage à son plus grand serviteur fête la Journée Mondiale de l'Hippolyte Girardot. Bonjour. Bonjour à tous. De quoi on parle? On va parler de l'épidémie du sac à dos. Ce sens du teasing, chevillé au corps. Les gens sont comme des malades derrière le poste. Appelez-vous autrement, Hippolyte. Hippolyte, ce sera vers 17h45. Oh, j'espère que vous allez tenir le coup. Hein. En attendant, celle qui a tout annulé pour présider cette émission est née sous Pompidou. Vous recevez le César du meilleur espoir féminin pour La neige et le feu de Claude Pinotot en 92. C'est l'année où la France est bloquée, déjà. Mais là, par les points du permis de conduire. Vous tournez dans Le Garçu de Maurice Pialat en 95, quand NTM, Nique ta mère, chante Paris sous les bombes. Et vous montez sur les planches du théâtre Marigny dans L'amour, la mort, les fringues en 2011. C'est l'année des indignés. Et vous, vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Qui êtes-vous? Géraldine Payas. Oui, voilà, c'est hyper surprenant. Elle a réfléchi. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes... j'annule tout. Un bon point. Un bon point. Pour Géraldine Pellas. Elle s'est pas plantée à la première question. Ouais, c'est pas évident. J'avais déjà un track fou, je sais pas comment je vais faire pour. Et le track, ça va, c'est rien à côté de Demain, où le film où vous jouez sera en salle. Ah non, mais là, je peux plus rien faire. Là, c'est vrai. Allez, ouais. À Jacques Taïs. C'est fini. Si vous êtes très sympa aujourd'hui, les gens vont dire tiens, elle est sympa, allez voir le film. Ah oui, surtout qu'en plus, dans le film, je suis très, très pas sympa. Mais alors, on va en parler. Il s'appelle La Nouvelle Vie de Paul Schneider, un film de Thomas Vincent avec Thierry Lhermitte. Il est donc en salle demain. Alex Vizorek l'a vu et donc vous êtes une sacrée pétasse dans le film, c'est ça? Non, pas du tout. Mais c'était ma première question. Est-ce que dans le film, vous êtes la bonne conscience ou la mauvaise? La mauvaise conscience, la mauvaise personne. Et après, ça vous permet donc de pitcher. Alors écoutez, je ne vais pas pitcher parce que vraiment je ne suis pas très douée, mais je peux juste vous dire que vous me posez exactement la question qu'une de mes amies ayant vu le film m'a posée, qui est fou? Et on est déjà très proches, hein. Ouais. C'est comme si on était amis depuis très longtemps. Alors, peut-être pour les auditeurs qui n'ont pas évidemment, il faut la raconter cette histoire. Bon, je vais faire semblant de pitcher. Non, mais je peux le faire si vous voulez. Oui, je sens que vous allez. Donc l'histoire de La Nouvelle Vie de Paul Schneider, c'est cet homme donc joué par Thierry Lhermitte. L'histoire se passe à Montréal et il se trouve que ce type a été victime d'un accident d'ascenseur qui a impliqué une dizaine de personnes. C'est pas drôle du tout, ça commence bien. Même si c'est censé être une comédie, là on rit pas encore, normalement. J'ai la même réaction qu'Hippolyte. Chute d'ascenseur, sauf que dans l'ascenseur, tout le monde meurt. Ça, c'est connu. Sauf que dans l'ascenseur, tout le monde meurt, y compris sa fille de 18 ans. Et là, tu rigoles beaucoup moins. Ah oui, je rigole pas. Je sors de la salle. J'ai peur dans ces trucs-là. Voilà. Et il est le seul rescapé. Donc, en fait, l'histoire du film, c'est quelle suite peut-on supporter de vivre après un accident comme celui-là et comment les gens qui vous entourent sont capables de réagir ou pas, quelles sont les peurs des uns et des autres, et laquelle est la plus importante, en fait, sur laquelle on va se concentrer. Et le gros dilemme, parce que vous êtes la deuxième femme de cet homme, avec qui vous avez deux enfants, deux garçons, vous habitez donc là-bas à Montréal, et vous lui dites, mais en fait, il faut que tu demandes des dommages et intérêts, parce que tu les as droit, et cet argent permettra à nos fils d'avoir des très bonnes études aux États-Unis. Je pense qu'elle part d'une idée qui, somme toute, pas complètement idiote, mais qu'elle exprime pas forcément de la meilleure manière. C'est l'idée que cette mort ne serve pas à rien. Mmh. Même si on peut pas dire qu'une mort peut servir à quelque chose, mais en tout cas dans sa tête, puisque cette jeune fille est morte et que évidemment elle avait rien demandé, que les dommages et intérêts puissent éventuellement être utilisés pour que ses fils à elle, qui sont aussi ses fils à lui, au père, puisse avoir une éducation digne de ce nom dans des universités américaines. Et la mort peut servir à quelque chose si on donne ses organes, par exemple. Donc c'est une forme de... Ça pousse beaucoup plus loin, cette question-là. C'est juste aussi. Que quand je raconte ça, je parle que du point de vue du film. J'essaie de pas trop m'étendre, parce que sinon on peut rentrer dans des choses vraiment très délicates. Parce que c'est délicates. Une question philosophique. Là, on est quand même en train de parler d'une fiction, écrite par Jean-Paul Dubois au départ. Oui, ça part d'un livre au départ. Et bien entendu, c'est très vertigineux, et je pense que les gens qui voient le film ont des interprétations très diverses et s'approprient le film plus ou moins. Et ça éclaircit donc ma première question qui était, d'une part, vous êtes la bonne conscience parce que cet argent, il appartient à personne et pourquoi pas en faire profiter les deux fils. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y avait pas de mort dans cette histoire, s'il avait été blessé, tout simplement, et qu'il avait été, qu'il avait eu un handicap lourd ou léger, d'ailleurs, pour son travail, la question ne se poserait pas du tout de la même manière. À partir du moment où ça implique la mort de quelqu'un, il y a quelque chose d'assez odieux à se dire, est-ce qu'on peut utiliser ça? Et donc c'est pour ça que je pense que vous n'êtes ni l'une ni l'autre. Et tout le film, on se demande quelle partie on aurait pris. Et même Thierry Lhermitte passe une bonne partie du film à se demander ce qui est la bonne réaction. Et philosophiquement, il n'y en a pas. Donc allez-y, faites-vous votre avis. Et allez voir, la Nouvelle Vie de Paul Schneider. C'est pas aussi sinistre que j'ai... enfin, voilà, ah, puis ce que j'ai dit là, c'était... Non, ce sketch de l'ascenseur qui tombe, qui est quand même énorme. comme disait Jean Renoir, cinéaste, il disait « Tout le monde a ses raisons ». Exactement. Voilà, ça c'est très important. Mais voilà, vous voyez, notez pour les prochaines interviews, Géraldine Pellas. Tout le monde a ses raisons. Là, ce sera la dernière. Pour pitcher, franchement, demander Pierre Girardeau, ça c'est concis. Thierry Lhermitte a tweeté, il dit « Je viens moi-même ». Laissez-la partir, je fais la suite de la promo. Ça s'appelle « La Nouvelle Vie de Paul Schneider ». C'est un film de Thomas Vincent avec Thierry Lhermitte et notre invité Géraldine Pellas. Et ça sort en salle demain. Et ouais, puis bon, là, il fait moyennement bon, donc c'est le moment d'aller au ciné, profitez-en. Faut toujours aller au ciné. Mais vous l'avez superbement pitché, Géraldine. Ah bon? Mais ouais. Vraiment? Mais ouais. Duper Duper Love, c'est Joss Stone sur France Inter avec toute une équipe. Je vois Jean-Philippe Jeanne en régie. Il y a aussi bien sûr à la préparation Nathalie Romero, Sarah Masson avec la collaboration d'Alexia Lacour et de notre stagiaire Albin Duvert qui a appris beaucoup de choses, oui, je l'espère. On le perd malheureusement. Mais bien sûr, on forme la jeunesse, la relève du reportage du journalisme d'investigation. Merci Albin. Et à la réalisation, Benjamin Riquet. Nous avons comme invité Géraldine Pellas qui est avec nous pour un film qui sort demain en salle, qui s'appelle La Nouvelle Vie de Paul Snyder. C'est avec Thierry Lhermitte et autour de la table, Alex. Trois stagiaires chroniqueurs, André Manoukian, Guillaume Meurice et Hippolyte Girardot. Et puisqu'il est 17h21, il est presque 17h17. C'est l'heure des infos. Au moment des infos. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Voici les titres. Le prix de l'humour en politique est attribué cette année à Bruno Le Maire. Ah oui, il n'y a pas qu'en politique que c'est le... Yes, il faut le dire un peu. Il n'y a pas qu'en politique que c'est le renouveau. C'est aussi le renouveau de l'humour, ce sacré Bruno Le Maire. Dans une interview au Monde, oui. Zlatan Ibrahimovic a déclaré « Je peux rendre François Hollande populaire si je veux, mais je ne sais pas si j'en ai envie. » Ah, et de toute évidence, il n'en a pas vraiment envie encore. Voilà. Il y aura des brèves. Oui, pas de renouveau, j'en avais pas envie. Par le prix de l'humour en politique. Et oui, c'est Bruno Le Maire avec cette déclaration « Mon intelligence est un obstacle ». Félicitations à lui. Il succède à Nicolas Sarkozy, oui. Grand Prix en 2015, pour avoir dit « Pour désespérer de François Bayrou, encore faudrait-il que j'ai un jour placé de l'espoir en lui. » Et dans le palmarès, oui. On notait également le Grand Prix du tweet politique. Pour Jean-François Copé, ah. Oui, pour son message posté le jour du départ de Christiane Taubira, disant pour une fois où je n'avais pas demandé sa démission. Félicitations à tous ces gens, continuez, vous allez un jour être comme nous aussi. Passons à la politique sérieuse. L'inverse est moins sûr. Oui, François Hollande réfléchirait à supprimer le Premier ministre. Ah oui, bah, s'il tue Manuel Valls, du coup c'est... Non, il veut supprimer le poste de Premier ministre. Oui, bien sûr, mais de toute façon, politiquement, il a déjà tué Valls. Oui. Sans transition, dans une interview au Monde, Zlatan Ibrahimovic a déclaré à propos de François Hollande « Je peux le rendre populaire si je veux, mais je ne sais pas si j'en ai envie. » Voilà, donc le mec peut rendre populaire François Hollande, mais n'est pas capable de gagner la Ligue des Champions avec le PSG, il y a un souci quelque part. Alain Juppé porte plainte contre X après diffusion d'un faux tweet sur son compte certifié. Mm-hmm. Un tweet qu'il présentait comme étant musulman et qui souhaitait un bon ramadan. Qui souhaitait un bon ramadan et c'est con que ce soit pas lui parce qu'il se préparait déjà à la création d'un mouvement, le jeune avec Juppé. Et ça, ça aurait été classe. Front National, le FN prend à bras le corps la question de la famille. Louis Alliot annonce même l'organisation d'un colloque sur ce thème. Ah, le Front National qui nous parle de la famille. Ça va être intéressant. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, c'est un petit colloque sur l'unité ou sur le droit des femmes qui se prépare. On sait pas. C'est l'un ou l'autre. Ce matin, Nicolas Dupont-Aignan était l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur RMC. Oui, et il a parlé sondage et il a reconnu ceci. Moi-même, si les sondages négatifs à un moment avaient été inventés, on m'aurait mis en dessous de zéro. Aujourd'hui, on est à 6, 8. Le plus étonnant, c'est pas qu'il aurait pu avoir des sondages négatifs, mais bien qu'aujourd'hui, il soit à 6, 8. On le salue. Affaire Kerviel. Oui. Les prud'hommes ont condamné aujourd'hui la Société Générale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Attendez, donc la dernière fois, la Société Générale lui demandait 4,9 milliards pour quelque chose qui serait sans cause réelle ni sérieuse. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais aujourd'hui, c'est la Société Générale qui a été condamnée à lui verser 450 000 euros. Hein. Ah, bah c'est cool. Du coup, Jérôme ne doit plus que 4 899 550 000 euros. Voilà, à la Krasuki, je crois qu'il manquait international. Surtout que Krasuki n'aurait pas dit non. Oui, mais je me suis rendu compte en disant, je trouvais ça sympa. Le demi-frère de Bill Clinton arrêté pour conduite en état d'ivresse. Oui, alors que c'est la demi-sœur de Monica Lewinsky qui aurait dû souffler dans le ballon. Sport Euro 2016, selon un sondage, 4 Français sur 5 projettent de boire de l'alcool lors des matchs. Oui, cette fameuse expression, boire pour oublier, vive les Bleus. Sportivement, nous sommes à J-3 avant le début de la compétition et du côté des Bleus, on prépare activement ce premier match contre les Roumains. Ah oui, ça bosse contre les Roumains, je peux vous le dire. Et là, il y a eu conférence de presse et Gignac a répondu tranquillement à la question du journaliste roumain. Quel joueur de l'équipe de Roumanie connaissez-vous? Alors, Kecheru, parce qu'il a joué à Nantes. Et en France, le défenseur central qui a été intronisé capitaine... Lui. Torjeu aussi, c'est ça? Voilà. Non. Moi, j'aime le foot, donc je connais pas mal de joueurs, mais de sortir les noms comme ça, c'est difficile. Pas mal de joueurs, il en a cité 2 sur les 23. Bonne chance aux Bleus. Des brèves, je suppose. Ah, une petite, et elle est pour vous, et elle nous vient de Roumanie, et c'est encore une histoire de nom. Oui, dans le village de Draghesni. Oui. ou Dragusini d'ailleurs. C'est pas bien. Et en fait, on s'en fout. les électeurs ont eu le choix entre trois candidats portant le même nom. Et oui, sur les trois candidats à la mairie, trois fois Vassile Chepoy. Et devinez qui a gagné avec 82% Vassile Chepoy. 17h25 à Paris, oui. À Marseille, à Bruxelles, à Marseille surtout, avec Géraldine Pélès. C'est là d'où vous venez. Vous dites quelque chose encore là ? Non, pour l'instant. Alors, je vous fais signe, quand on va vous dire un truc. Là, ça va être lourd. Mais vous jouez dans Marseille d'ailleurs avec Hippolyte Girardot. Mais oui. Mais voilà. Bah ouais, bien sûr. Mais bien sûr. Et tout ça pour vous dire, on va profiter de notre intervention. Mon acteur préféré. Le premier sujet qu'on va aborder avec vous, c'est le code informatique qui sera enseigné à partir du CP dès la rentrée prochaine. Les élèves pourront ainsi programmer sur ordinateur, par exemple, les déplacements d'un robot. Enfin, si d'ici là, le prof a compris comment ça marche, parce que les professeurs n'ont pas encore été formés. Alors pour l'instant, le code informatique, c'est un petit peu binaire, pour l'instant, ça ressemble à ça, l'enseignement. Bon, on va commencer par un exercice simple. Prenez vos bouts de bois. Un coup, c'est pour oui. Deux coups, c'est pour non. Alors, un exemple pour vous, Perceval. Est-ce que vous avez bien mangé à midi ? Oui, mais j'aime pas les harengs. Vous faites exprès ? Vous me dites répondez en tapant. Faites un effort, je vous en supplie. Non, mais c'est bon, j'ai pigé. Posez la question. Est-ce que vous avez bien mangé à midi ? Qu'est-ce que ça veut dire, trois coups ? Ah, mais faut que ça veuille dire des trucs. Un coup oui, deux coups non. On reprend. Est-ce que vous avez bien mangé à midi ? Vous avez bien mangé ? Non. Eh ben ! Mais c'est pas moi qui suis en cuisine, qu'est-ce que j'y peux ? Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'on a mangé à midi ? Kaamelott ! Et si ça se passe comme ça dès la rentrée, on va se poêler. Géraldine Pélès, quand vos enfants, admettons, qui rentrent à la maison et qui vous disent « Maman, j'ai pas tout bien compris à mon devoir de codage informatique, est-ce que tu peux m'aider ?» Là, on va tous bien être dans la merde, non ? Ah bah oui, carrément. Moi, je suis absolument nulle. Alors, éventuellement leur demander un peu d'aide et encore, c'est pas sûr. Puis vous le faites déjà, ça ? Enfin, je sais pas quel âge ont vos enfants, mais ils vous tweetent des trucs, ils vous... Ils me tweetent des trucs, c'est-à-dire... Ah oui, on part de loin. Alors, l'ordinateur. Ils me tweetent, ça veut dire quoi ? Non, est-ce qu'à votre place... Est-ce que... Non, j'oserais pas. Non, est-ce que vous mettent sur la voie des nouvelles technologies, des machins, disant t'as vu ça ? Il y a quand même quelques trucs que je sais faire, pour exagérer. Mais le codage informatique, pas vraiment. Mais déjà, moi, le codage informatique, franchement, avant de lire l'article, j'ai lu cet article dans Le Monde, mais moi non plus. Merci, Charlie. Derrière les tweets, c'est quoi ? C'est le Pascal, le Cobol, les choses comme ça. Bah, c'est quand j'aime pas, ce sont globalement les abréviations, tout ça, les trucs qui font plus court, j'aime pas. Okay. L'idée, c'est que au-delà de simplement comprendre comment fonctionne, enfin comment utiliser l'ordinateur, on comprenne son fonctionnement. Donc l'idée, c'est que les enfants apprennent le codage. Donc c'est comment, par exemple, créer un jeu vidéo, comment déplacer un bonhomme, taper les codes qui permettent de faire avancer le bonhomme, etc. Alors, est-ce qu'on n'est pas dans un petit peu dans un changement d'air, parce qu'en France cette année, l'Éducation nationale nous a proposé de supprimer le latin, mais d'introduire le code informatique. Est-ce que, par exemple, en tant que parent ou ancien élève, on se dit là, on se rend pas compte qu'on est dans un changement carrément d'époque ? Franchement, moi, ça me désole toutes les choses qu'on veut retirer. Par contre, je suis ravie qu'on veuille en additionner. Je me dis qu'on a de l'espace dans notre cerveau pour apprendre des choses. Et je suis désolée, je suis pas du tout dans un truc... Oh, nos pauvres petits-enfants, on leur donne tellement de charge de travail. Vraiment, je suis pas comme ça, je l'ai jamais été, j'étais pas pour moi, j'ai adoré l'école, je trouve que plus on apprend, plus vous avez on fait supporte. Du latin, Géraldine Pélès, par j'ai exemple. Fait du latin, mes deux enfants font du grec. Ah ouais. Et continuent. Et oui, donc il y a un choix. De l'espagnol, de l'italien, de l'anglais, de l'allemand et de l'arabe. D'accord. Ah oui. Et oui. Donc dans le choix éducationnel des enfants. Je ne choisis pas. Ah, c'est vrai. Mais comment ça se passe, dites-nous. Alors c'est intéressant parce que vous. Non, mais ils ont beaucoup misé sur les langues. J'aurais pas projeté quelque chose sur un enfant qui n'était pas réceptif et qui avait envie de toute autre chose. Il se trouve que mes enfants, tous les deux, sont. Ont plutôt un accueil très favorable pour les apprentissages divers, même s'ils sont très différents tous les deux. Mm-hmm. Il y en a un qui est plus académique que l'autre, et voilà, bon. Mais ils ont compris qu'il y avait quelque chose à saisir là-dedans, et que malgré l'éventuelle impopularité à certains âges, où c'est quand même un peu compliqué de maintenir le niveau qu'on espère, ils tiennent bon. Ils se parlent en quelle langue, les deux ? En fait, ils font pas les mêmes. Ils font anglais, français, allemand et grec. Mais après, l'un fait italien, l'autre fait espagnol. Ah, vous avez dispatché, ça c'est très malin. C'est japonais, j'ai oublié. En fait, il faudrait qu'ils apprennent le codage informatique en latin, voilà, par exemple. Exactement. C'est une idée. Ou l'arménien, par exemple. Ah oui, très belle langue pour mais apprendre alors, à pleurer. Donnez-nous les sous-titres pour votre chronique, André, parce que sinon, c'est vrai ça va être difficile. Ah, il est fait pour un arménien depuis le début. Si vous disiez, vous comprenez pas moi. Eh bien, écoutez, c'est une histoire d'apprentissage incroyable. C'est l'histoire d'un gamin qui ne marche pas formidablement à l'école, comme tant d'autres, sauf que lui se rêve un destin. Et pour le moment, ça n'est pas gagné. Dans son école, on fait souvent des tests. Il les fait comme les autres. Un jour, le proviseur, accompagné de 4 hommes, entre dans la classe et demande à Jérémy de les suivre. Il s'appelle Jérémy, le gamin. Sur le chemin du bureau, Jérémy se demande ce qu'il a bien pu faire et qui sont ces hommes. Des bêtises, il en fait, mais ni plus ni moins que les autres. Arrivé dans le bureau du proviseur, un des 4 hommes prend la parole. La batterie de tests que les lycéens subissent toute l'année sert entre autres à repérer les éléments les plus aptes à devenir agents secrets. Il se trouve que Jérémy est arrivé à chaque fois premier, c'est une histoire vraie. Alors l'homme en noir lui demande s'il veut bien suivre ses aptitudes pour devenir James Bond dans un des meilleurs services d'espionnage du monde, puisque l'affaire se passe en Israël. Pierre Belmar. Jérémy, qui est plutôt un gosse cool, se voit pour la première fois valorisé, alors il accepte. Mais après 6 mois d'entraînement, rien ne va plus. Les choses vont trop loin. S'il se tire avec brio des situations les plus tordues qui lui sont simulées, lorsque vient la violence, il n'assume pas, il démissionne. Le voilà dans les paras, à la frontière syrienne, à surveiller des vaches sur un champ de mine. Sa mission, veiller à ce qu'elles n'explosent pas. C'est une histoire vraie. Mais heureusement, il a emporté un clavier avec lui. Et voilà que la base militaire est transformée en conservatoire. Du coup, d'autres soldats mènent des guitares, des groupes se forment à tel point que le chef devient dingue et menace, s'il trouve un instrument, de le casser sur la tête de celui qu'il tient. Fin du service militaire. Au moins, une chose est sûre, Jérémy a trouvé sa vocation. Il sera pianiste. De retour à Tel Aviv, il rencontre Ofer Breyer, le maître de musique qui a enseigné les meilleurs pianistes comme Yaron Herman ou Shai Maestro. Cet homme a développé une méthode particulière pour apprendre le piano. Il commence par jeter à la poubelle toutes les méthodes d'enseignement traditionnelles, les gammes, les arpèges, le solfège, tout ce qui barbe nos gosses. Czerny par exemple, bim. Tout ce qui a... Czerny, vous connaissez Czerny, ouais. Bah, Charline sûr. Vous bah, aussi, vous avez souffert là-dessus. Il m'a fait souffrir. Bah, voilà, voilà. Les souvenirs des gosses qui ont fait des exercices de piano, c'est j'ai souffert. Tout ce qui... Pourquoi on souffre? Parce qu'en fait, toutes ces méthodes ont attrait à quoi? À la lecture. Il y a un paradoxe, pour citer le titre de Jérémy Ababou que je vais passer, qui s'appelle Paradoxe. La musique est une affaire de son, vous êtes d'accord? Et voilà qu'on fait développer à ses apprentis quoi? Le sens de la vue, c'est-à-dire la lecture de notes. Et nous voilà dans la rigidité de l'écrit. Bergson opposait les religions dynamiques aux religions statiques. En gros, les religions dynamiques sont celles qui sont transmises par l'oralité. Vous savez combien j'aime l'oralité, Charline. Quand on raconte une histoire qu'on a entendue, on a tendance à y rajouter un peu de soi, de son expérience, le tout étant validé par l'intérêt de ceux qui écoutent. On construit ainsi un récit qui va fatalement évoluer au fil du temps, comme un objet vivant, dynamique donc. À l'opposé, les religions statiques sont celles qui sont transmises par l'écrit. Quand on écrit, c'est dans le marbre. C'est que justement, on ne peut rien changer. Voilà un texte qui va fatalement mal vieillir, puisqu'il ne s'adapte pas au changement de la société des hommes. Et ben, c'est pareil avec la musique. C'est quoi le solfège? C'est déchiffrer ce qui est écrit. Pour les virtuoses du genre, on parle de lecture à vue, tant ils sont capables de jouer instantanément toutes les notes du partition. Mais sortir une note de soi sans qu'elle soit pensée par quelqu'un d'autre, là, ça devient impossible. Et beaucoup de musiciens classiques, encore aujourd'hui, sont incapables de mener une improvisation, ne serait-ce que sur Au clair de la lune. Ofer va remettre la musique au centre du musicien en le faisant travailler sur 2 axes. L'oreille, faire travailler le musicien sur le ressenti, lui apprendre à exprimer une sensation par des notes. Et le 2e axe, les mathématiques, ou plutôt les proportions. Les notes sont des vibrations, leur hauteur dépend de la fréquence des pulsations. Si le rapport mathématique est simple, la musique va nous paraître harmonieuse. La musique, c'est quoi? C'est du désir et des maths. C'est du cul mis en équation. On écoute Paradoxe de Jérémy Ababou. Thank you. Il s'appelle Jérémy Ababou, c'est son premier disque et il sera le 9 juin au Duc des Lombards, club de jazz formidable, 42 rue de Lombard. Les amis, il faut aller dans les clubs de jazz voir les musiciens. Sinon, voilà. Le titre s'appelle Paradoxe. Si vous habitez par exemple Marseille, vous ne pouvez pas venir. Ben voilà, c'est disponible. Exactement. Dans les oreilles. Merci André Manoukian. Je vous en prie. Vous êtes sur France Inter. J'aime bien Charline quand on est en off et qu'on parle de des proportions entre les notes et tout ça. Ouais. Ah, c'est vrai, j'ai Merci. L'impression que vous avez compris ma chronique et ça me fait plaisir. Mais complètement, mais bien sûr. Mais là, on est à l'antenne, André, en fait. Ah, ouais, du coup, c'est hyper gênant. Là, c'est gênant. Pardon, ouais. André. Donc, on est avec Géraldine Pellas qui est avec nous. Et demain sort en salle La Nouvelle Vie de Paul Schneider avec Thierry Lhermitte. Pardon, c'est un film de Thomas Vincent. Et puis à cette heure-ci, Alex Vizorek. Je rappelle d'abord qu'il y a la chronique Sac à dos tout à l'heure qui arrive. Oui, c'est vrai, que Géraldine attend avec impatience. J'ai très hâte. Mais avant ça, première partie de Guillaume Meurice. Bonjour. Oui, bonjour Alex. Moi je vais vous parler des retours aujourd'hui. Alors il y en a qu'on attend évidemment, celui d'Hippolyte Girardot sur les sacs à dos. Hein, on brûle l'impatience. Il y a des retours qu'on attend moins. Par exemple Hervé Villard, hein, on l'attend pas spécialement son retour. Voilà, à part Alex, dont les goûts en matière de musique et de sexualité nous évoquent un temps que les moins de 55 ans ne peuvent pas connaître. Mais sinon, on n'attend pas spécialement le retour d'Hervé Villard. De même que Sarkozy, comme candidat à la présidentielle, on se dirait volontiers, tiens, ça nous manque pas du tout. Et c'est pas le cas de tout le monde non plus. Hashtag, les gens sont quand même vachement bizarres. Ses soutiens politiques parisiens se sont réunis hier au café Montparnasse à Paris. J'y étais pour interroger ses groupies. Première question, pourquoi est-il si bas dans les sondages? Il a sans doute été trop épargné par les journalistes, par la presse. Ah, c'est de la faute de la presse? Oh bah oui, en grande partie. Oh, je sais qu'il ne faut pas dire ça, c'est très... Ah si, vous avez le droit. Oui, mais c'est un gros mot, je le dis quand même. Est-ce que c'est pas de la faute des juges un peu aussi? Peut-être qu'il y a la presse derrière, et puis il y a peut-être les politiques derrière les juges. Il y a un complot? Il y a probablement des influences et des... Ça, je pense que... Mais alors, qui est derrière tout ça, Juppé? Non, ceux qui nous gouvernent actuellement. Ah. Moi, Juppé, tout de suite, non. Je ne sais pas, je cherche, moi, je pensais à Juppé. Alors, j'aurais pu citer les autres ennemis de Nicolas Sarkozy dans son propre camp, mais j'ai 4 minutes 30 de chronique, hein, pas 8h20 comme André Manoukian. Et puis, encore faudrait-il que Sarkozy se présente. Je vous rappelle qu'il n'est pas candidat, hein, pour l'instant. Du coup, je n'ai pas pu résister à poser la question qui fâche. Bon, et alors, ici, il ne se présentait pas, Nicolas Sarkozy, parce qu'après tout, il n'est pas encore candidat. Juppé, hein, qu'est-ce que vous allez faire? Juppé, vous l'appelez? Oui, je suis Pépé Jus. Rapport à son âge? Hein? Rapport à son âge? Son âge, oui. Et puis quand même, droit dans ses bottes, il s'est quand même dégonflé une fois. Donc il se dégonfle une fois, peut se dégonfler plusieurs. Ah ben non, commencez pas à dire des saloperies sur Juppé si vous votez pour lui après. C'est pas des saloperies, mais attendez, on vote pas non plus pour un saint et pour Superman, ça n'existe pas. Non, c'est vrai, ça n'existe pas. Super mythomane, à la limite, ou super mégalomane, hein, chez les Républicains, il y en a plein. Mais Sarkozy n'est pas Superman, voyez, il reste un petit peu de lucidité chez les groupies de Nico, n'est-ce pas, madame? On est lucide, c'est remonter la France, là, c'est un peu comme soulever le Mont Blanc, hein, pratiquement. Hein, vous voyez pas dans quel état on est? Alors, si même de voter Sarkozy, ça sert à rien, alors du coup, c'est un peu désespérant. J'ai pas dit ça. Ah, tout de suite dans l'excessif. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, je suis tout de suite dans l'excessif. Alors que quand elle parle de soulever le Mont Blanc, là, on est vraiment, on va dire, dans la mesure et la sobriété. Et ce sens de la mesure, c'est la principale qualité du soutien de Sarkozy en général. Par exemple, le sénateur Pierre Charon, qui lui, durant son discours, a comparé son champion Nico à Rocky. Hein, carrément, tranquille, sans pression, le gars. Mais pas que à Rocky. Hein. En même temps, c'est qui aussi Sarkozy? Et en même temps, c'est Johnny. Ah, c'est un mélange de Rocky et de Johnny. Oui, parce qu'il y a une star et des vedettes. Et j'en ai parlé tout à l'heure, quand on a la chance de travailler avec Napoléon. Alors, c'est un mélange de Napoléon, Rocky et Johnny. Oui. La vache, il est exceptionnel. Voilà, la mesure, hein, la sobriété, rien qui dépasse. On sent cette volonté de pas trop en faire, hein, chez Pierre Charon. D'ailleurs, dans le dictionnaire, à côté de la définition du mot tempérance, il y a la photo de Pierre Charon directement. Alors, on a parlé de Rocky, mais il y a plusieurs épisodes de la saga. Alors, Pierre Charon parle de quel épisode, hein? C'est important de préciser. Oui, c'est Rocky 3, attention. Ah, c'est Rocky 3. Oui, les dents du tigre. Voilà, alors c'était important de préciser parce que le 3 s'appelle l'œil du tigre, hein, et pas les dents du tigre. Alors, pourquoi je précise? L'œil de la mer aussi. Hein. Ça peut être ça. Mais alors, les dents du tigre, ça existe c'est aussi, Leblanc. Mais c'est le titre d'un épisode d'Arsène Lupin. Ah, c'est un peu con. Alors, pour l'aspect gentleman, Sarko, il a un peu de taf, mais pour le côté le plus grand des voleurs, là, on est complètement synchro, n'est-ce pas, Pierre Charon? Personne n'y croit. Mais les gens aiment bien les escrocs. Oh, je vous en les compte. Bon, est-ce que ça serait pas le parrain, plutôt, alors, Nicolas Sarkozy? Non, c'est nous, les parrains. On est tous chefs de famille, et on amène toutes nos familles chez le chef des chefs. Ah, vous voyez, il y a un côté mafieux quand même. Non, il y a un côté fan. Voilà, fan, hein, qui veut dire fanatique, hein, je le rappelle. Et je rappelle aussi que Sarkozy peut vous menacer à tout moment de vous suspendre à un croc de boucher, toujours avec ce sens de la tempérance, hein, qui caractérise, même si selon ses fans, Sarkozy n'est plus le même. Notamment, selon le présentateur de cette soirée, Geoffroy Boulard, il s'appelle. Il est le premier adjoint. Ouais, ça, c'est pas de sa faute. Ça, c'est pas de sa faute. Il est le premier adjoint à la mairie du 17e. Selon lui, Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un qui a quoi? Qui a tiré les leçons de son échec, qui a pris du recul depuis plusieurs années. Il a changé? Je pense qu'il a changé. Ah, vous n'êtes pas sûr? Je pense qu'il a changé. Et ah, ça se trouve, il n'a pas changé alors? Ah, il a changé. J'en sais rien, on verra. En tout cas, j'attends. Ah, ben non, il faut voir maintenant s'il a changé. Moi, j'attends le changement de Nicolas Sarkozy. Ah, il n'a pas changé alors? Ah, oui, il a changé. Il a changé, vous changez avec l'âge. Ah, il a vieilli. Il a vieilli, mais il a appris. Voilà, il a appris surtout qu'il fallait rien changer. Hein, il a appris qu'il fallait continuer à chasser sur les terres du Front National, en comparant notamment les réfugiés à une fuite d'eau, en parlant de quotas d'immigrés qui viennent uniquement pour profiter des prestations sociales. Voilà, il est à deux doigts de faire passer hortefeux pour le président d'SOS Racisme. Il est favorable à l'intégration, hein, Sarkozy, mais seulement celle des idées du FN dans son programme. D'ailleurs, pour conclure, faisons un petit test auprès de ses groupies. Et alors, s'il y a un deuxième tour, Hollande-Marine Le Pen? Tout, sauf Hollande. Voilà. C'est vrai? C'est ma réponse. Ah, donc Marine ouais, Le Pen. Non, bah, je reste oui, à la maison, mais vous moi. Savez, l'extrême droite est énormément diabolisée. Et moi, je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas d'alliance entre eux et nous. Voilà, donc on en est là. Hein. Vivement 2017, ça fait envie. On entendrait presque Marine Le Pen citer du Hervé Villard à Nicolas Sarkozy. Reviens, l'aventure avec toi, c'est si bien. Reviens, on va vivre la main dans la main. Guillaume Meurice, voilà. Nicolas Sarkozy a donc pris du recul. Et bien, on lui souhaite de prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul. Oui, voilà, un petit peu plus. Hein, recul, même un petit, encore un oui, peu. On voilà, recule encore merci. Un peu, voilà, c'est très bien. Là. Nous sommes comme sur France sites. Inter, en compagnie de Géraldine Pellas, qui est avec nous. On peut vous voir dès demain en salle, dans un film de Thomas Vincent, qui s'appelle La nouvelle vie de Paul Schneider, avec Thierry Lhermitte. Et on va profiter de votre présence pour traiter un deuxième sujet, qui a trait au cinéma, car il s'organise en France un festival de ciné tous les deux jours. Soit 200 festivals de cinéma, c'est presque autant que deux sortes de fromages, nous dit Le Figaro, qui ne manque jamais d'humour. Si vous l'humour voulez, de droite. Bah évidemment, Le Figaro. Autant dire que si t'es une ville, t'as pas ton festival. Voilà. Et si t'as un film et qu'il est dans aucun festival, voilà. Bah quand même, souvent ça rate quand même. Hein. Si, si. Alors, ça vous a plu? Et attendez, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais à la fin du film, quand même, ça bouge. Hein. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'action. S'il vous plaît, si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. Et partez pas sans votre dossier de presse. Je me présente. Je suis l'attachée de presse, Odile Duray. Alors, vous prenez un dossier, et si vous manquez des renseignements, vous pouvez toujours me joindre au Martinez. Hein? Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Et ça mérite une deuxième vision, rappelez-moi, hein. Madame, je vous pisse à l'arrêt. De Ray, Odile De Ray. De toute façon, c'est moi qui vous rappelle. C'est Chantal Lobby dans La Cité de la Peur, bien sûr. C'est donc Le Figaro daté d'hier, un article qu'on vous a réservé, Géraldine Pellas, ce qui a moyen donc de passer toute l'année, quasi quotidiennement, dans des festivals de cinéma en France. Est-ce que c'est un constat que vous, de façon un peu innée, vous avez fait? C'est-à-dire que dans les sollicitations que vous avez, vous, voilà, qui est dans ce domaine-là, est-ce que vous avez empiriquement, je dirais, senti qu'il y en avait autant? Non, honnêtement, vous pas êtes du étonnée. Tout. Bah, je connais les plus importants, probablement, oui. Ceux qui sont les plus cités dans la presse. Mais car sur les 200, il y en a une vingtaine qui sont très souvent cités, 5 qui sont portés, évidemment, au PNAC, mais qui sont mis en valeur, pardon, mais il y en a énormément d'autres. Est-ce qu'il y a un festival en particulier, vous, de ciné pour l'endroit ou pour l'organisation ou pour le thème? Vous en avez plusieurs un peu dans le cœur Quand j'étais petite, j'adorais le festival du film fantastique d'Avoriaz. Mmh. Ah oui. Je pense que c'est le premier auquel je me sois intéressée. Mm-hmm. Voilà, mais il n'existe plus depuis longtemps. J'aime beaucoup le festival de premier plan d'Angers, qui propose que des premiers et des seconds films. Mm-hmm. Parce que c'est évidemment très thématique à chaque fois. Enfin, c'est-à-dire que les grands festivals, alors oui, c'est le cinéma. Bah, cinéma et moutarde, à Dijon. Oui, mais non, mais il y a un festival du film asiatique de Deauville aussi. Je ne sais pas s'il existe toujours, qui était vachement bien. Ouais. Ah, alors ça, je n'ai pas vu dans la liste. Je ne sais pas s'il existe toujours, mais je crois que. Il paraît que le festival de Deauville, le principal, cherche un second souffle. S'il veut y revenir, pourquoi pas. Alors, dans cet article, il y a une chose amusante, c'est que chaque année à Cabourg, au festival du film de Cabourg, se déroule le même psychodrame. C'est-à-dire que le grand hôtel n'a que deux suites. Alors, quand Emmanuel Béart préside le jury, mais que Carla Bruni donne un concert, on fait comment? C'est aussi le problème dans ces cas-là. Géraldine Pellas, est-ce qu'on peut souhaiter, est-ce qu'on souhaite toujours aussi, bien sûr, que le film marche? Donc, par exemple, demain, on peut voir La Nouvelle Vie de Paul Schneider. Est-ce que vous espérez aussi, tiens, qu'il roule dans les festivals et qu'on puisse le voir, que vous allez le présenter, le défendre? Oh ben moi, je trouve ça toujours très joyeux. C'est vraiment un des moments. D'abord, on va au contact des gens et on présente le film. C'est souvent quand même réservé aux metteurs en scène. Les acteurs suivent rarement. Mais les festivals films. Préfèrent avoir des noms. C'est-à-dire que si on a vous, Hippolyte Girardot, alors on se dit ah, c'est chouette, quitte à ce que les réalisateurs soient souvent moins populaires. Enfin, ça dépend en fait, parce que. En général, ce sont des festivals, enfin, les bons festivals sont des festivals qui sont consacrés au cinéma et pas juste à. Bling bling. Voilà, au côté un peu vaporeux. Donc, moi, je trouve ça toujours très suspect quand on ne propose pas un metteur en scène. En général, je ne vais pas dans ceux-là. On souhaite de j'aime bien accompagner le metteur en scène. Bonne stratégie. Votre film dans un des 200 festivals qui existent en France, donc, comme nous le dit Le Figaro. Hippolyte Girardot. Ouais. Aussi, oh, vous récumez la France par les festivals. On y est. Oui, enfin. Oui. Enfin, il y a les sacs à dos. Oh là là, les sacs à dos. Mais c'est la dernière fois que j'annonce une chronique aussi bien, Alex. Parce que maintenant, je suis. Non, mais c'est vrai. Le sac à dos. Le sac à dos, c'est un truc. De dingue. Sans blague. Non, je vois des types en costard dans le métro avec un sac à dos. Le type en costard. Oh, les mecs, oh, ça va, quoi. C'est quoi ce truc des sacs à dos? Il y a trekking à la Défense et je suis pas au courant. Sans déconner. Parce que sans blague, les sacs à dos, normalement, c'est fait pour ça. C'est inventé pour transporter des sandwichs et des gourdes. Parce que les sandwichs, ça transpire et les gourdes, ça fuit. Ce qui fait qu'au bout de 2 heures de marche, c'est plus un sac à dos, c'est un sac poubelle. Et là, oui, effectivement, c'est pratique le sac à dos parce que c'est quand même beaucoup plus réversible qu'une valise. Mais mettre des dossiers dans un sac à dos. Mais moi, je viens d'une autre planète, c'est pas possible. Au lycée, on avait des besaces américaines avec le signe de Make Love Not War peint au Tipex. On avait Led Zepp écrit en gros avec un éclair en rouge et des pins qu'on fabriquait avec des capsules de bière. Voilà, on était le clan des mecs aux cheveux longs, gauchos, écolos, fumeurs de joint et tous copains avec les flics des RG en civil. Et en face, il y avait des types avec des mallettes en faux cuir qui claquaient quand ils les ouvraient et des tas de classeurs intégrés à l'intérieur. C'était les Giscardiens et c'était les fils des RG, voilà. C'était simple, ils lisaient Le Figaro, on lisait Libé. C'était clair. Au milieu, bon, effectivement, il y avait le ventre mou des cartables avec plein de variantes, genre en cuir, genre Gestapo, en tissu bicolore pour faire anglais ou simplement en plastique orange, les plus beaux, selon moi, parce qu'à cette époque, hein, tout ce qui était orange était beau. C'était beau comme le maillot de Cruyff. Voilà, n'est-ce pas, Alex? Cette diversité les rendait difficiles à placer, effectivement, sur l'échiquier politique. Mais de sac à dos, point. Ça, c'était pour les types qui partaient faire de la marche à pied et qui sont devenus des randonneurs, dont Géraldine Pellas, notre invitée, fut une éminente interprète dans le film éponyme. Et ensuite, les trekkers. Mais là, je sais pas, il y a un truc qui m'a, comment dire, échappé. Voilà, tout le monde s'est mis à porter des sacs à dos, à s'habiller en plein jour en pyjama, qu'on a appelé des joggings, à enfiler des chaussons tout mous, qu'on a appelé des sneakers. Alors le mec, quand tu le regardais, quoi, c'est un sportif ou bien un président des États-Unis? C'est un tolard ou c'est une star qui fait ses courses? Voilà, la poule et l'œuf, j'en sais rien, tout a été confus. Et en politique, il est arrivé à peu près la même chose. Pour moi, la politique sac à dos, si on est un tout petit peu sérieux, parce que là ça va, hein, si on est un tout petit peu sérieux. La politique sac à dos, c'est Macron, le ministre de Hollande, donc président de gauche, déguisé en Madeleine. Qui est lui-même déguisé, ce Madeleine, en authentique Robin des Bois antilibéral par rapport à Juppé. Juppé, soi-disant le représentant de la nouvelle jeunesse, est lui-même vilipendé par Sarkozy, dont la sincérité est aussi crédible que Trump avec un sac à dos, par exemple. Mais heureusement, il y a des mecs qui remettent les types à leur place et les choses en place. Je parle notamment de Raffarin, qui hier, sur France Inter, a dit que l'écologie était devenue d'extrême gauche. Merci, monsieur Raffarin. Vous êtes une bénédiction. Les écologistes qui savaient tellement plus où ils étaient, qu'ils ont disparu, ils n'ont même pas dissous, non, ils ont juste disparu. Avec Raffarin, au moins, ils savent où ils sont. Et où est-ce que vous êtes? Eh ben, vous êtes chez les mecs à Besaz, avec des pins Stop Monsanto et Fuck Sac à dos. Voilà. Merci, Hippolyte Girardot. Bravo. Dès que vous avez un autre combat, comme oui. celui des sacs à dos, vous revenez pousser ce coup de gueule salutaire. Salutaire. Géraldine Pallas qui connaît un petit peu Hippolyte Girardot. C'est une facette d'Hippolyte Girardot qui... Je suis complètement éblouie, je suis, comment vous dire, en tout cas extrêmement émue. Nous aussi, on ne le connaissait pas comme ça. On le connaissait il a toujours pas eu cette ça, rage mais... vis-à-vis des sacs à dos. Vraiment... Je crois qu'il y a les chaussettes aussi. Le dossier était resté clos jusqu'à aujourd'hui. Les chaussettes, je les ai aussi. Eh bien, Hippolyte, vous avez senti, vous avez flairé un sujet traité aujourd'hui dans Libération. Je ne dis pas que forcément c'est un sujet qui était tellement digne d'intérêt pour en faire un article. Hein. C'est Libération, des fois, il mouline un peu, hein, mais on va le traiter quand même. Porter un survêtement ne serait plus synonyme de glande, de plouquerie, de chômage. Porter un pantalon de jogging quand on ne jogue pas, ce serait devenu swag. Le survêtement est même toléré parfois au bureau. Pas besoin de travailler pour s'en payer, hein, suivez mon regard, n'est-ce pas ? Même un très très cher, pas toujours besoin de bosser, la preuve dans les vestiaires. Hey, c'est les mêmes survêtements que l'on a déjà avant. T'as plus Bernard ? Ouais, c'est les mêmes. Tu vois, le but suprême de l'équipe de France, je vais t'expliquer c'est quoi le but suprême. C'est d'avoir une sélection, de toucher les équipements. Et si tu reviens plus, c'est pas grave. Parce que tu auras touché les équipements. C'est pas joli, ça. Pourquoi c'est pas joli ? Bah, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. C'est le but, venir prendre les équipements. C'est les yeux dans les bulleux, et je sais pas si vous avez reconnu le joueur. Thuram. C'est Thuram, ouais, ouais, tout à fait. Qui fait le Mario, oui, on aurait, exactement, on aurait aimé que ce soit une vanne, mais non. voilà, donc cette question posée par Libération ce matin, le survêtement, en quelques années, ça s'appelle l'athleisure. C'est-à-dire le mariage du sportswear et du prêt-à-porter, boosté par de nouvelles matières, nous dit Libération, s'est imposé partout, des podiums, à la rue. Géraldine Pellas, Libération les jours... créée par Jean-Paul Sartre, hein, quand même, il faut le savoir. Oui, faut le savoir. Hein. Jusqu'au jogging, donc. Voilà. Jusqu'à ce qu'il soit racheté par Patrick Drahi. Voilà, et c'est faire, et donc, oh, voilà où on en est. Les jours où vous êtes en jogging, est-ce que ça a une signification chez vous, Géraldine Pellas ? Mais vous ne mettez jamais de jogging, Géraldine ? Jamais. Ah c'est vrai, jamais. Ouais. Bah pff, non en fait non je peux mettre ces petits pantalons un peu voilà. serrés là ce qu'on appelle les leggings. Voilà mais j'ai lu l'article c'est uniquement pour le sport. Mm-hmm. Mais jamais en dehors. D'accord. Mais c'est honteux de trouver une fille sexy en survêt. Non mais ça franchement et moi, quand je dis jamais c'est vraiment parce que je vous réponds sincèrement parce que j'ai pas de jugement, je mets pas de jugement là-dessus. Non mais vous inquiétez pas, il y a pas fleurs par exemple. Non, les fleurs vous pouvez vous les garder mais il y a d'autres trucs possibles. Donc ça veut dire que vous en faites pas un objet de mode, c'est-à-dire que si jamais on vous trouve en jogging, c'est pour faire de l'effort. J'en ai pas trouvé encore qui me donne envie de le porter en plein jour, voilà, et, oui, absolument. Pas de jugement de valeur, mais alors justement, ça renvoie un petit peu à la question de Macron et de son costume. Est-ce que vous avez vu cette vidéo donc elle a vraiment essaimé dans toute la France, cette vidéo. Ça repose la question, évidemment, de l'habit fait le moine, etc., du costume, du jogging. Quand vous dites pas de jugement de valeur, c'est que les choses ont évolué. Le jogging, avant, on pensait que c'était... C'était un peu ringue ou... Ben oui, c'était associé au type qui se gratte un peu l'entrejambe en train de regarder un truc et de manger une pizza avec une bière et qui fait pas grand-chose de sa vie. Bon, ben... D'après Libération, porter le jogging même au bureau, cela véhiculerait des valeurs positives de mouvement. Ah oui. Ça fait cool les amis. Et je sens que c'est un prochain combat pour Hippolyte Girardot. Ça l'énerve, oui, non, mais on sent que ça l'agace. C'est comme pour le cinéma, d'un seul coup. Le cinéma est un produit d'appel pour vendre de la beauté au Festival de Cannes, de la même manière que d'un seul coup, Libération nous fait de la publicité pour parler des marques. Voilà, je suis totalement révolté. On n'a pas cité de marques. Non, mais il y en a plein dans l'article. Et c'est vrai qu'ils font leur beurre avec... Quoi, oui, évidemment, bien sûr. Et le petit truc que vous avez mis sur Thuram est très révélateur de ça, quoi. Géraldine Pellas, on a un dernier exercice à vous faire faire qui n'est pas du codage informatique mais qui est beaucoup plus simple. L'exercice de fin d'émission. J'ai été très bien joué. Et bien joué. Et bien ça tombe bien parce que vous allez jouer la directrice des programmes d'Europe 1. Parce que. C'est pas sympa. Ah bah oui, écoutez, voilà. Parce que Cyril Hanouna nous quitte et donc il cherche un remplaçant. Il y a un peu des candidats improbables. Cyril Hanouna nous quitte. Non. Il était en face. Oui, c'est-à-dire qu'il quitte la tranche et donc on cherche un remplaçant. Des candidats improbables, Hippolyte Girardot et Zlatan Ibrahimovic, Guillaume Meurice et le père Fouras. Et on se rend rue François 1er. Hé, hey, Gilles, bonjour. Bonjour, monsieur. Tu sais, tu as de la chance de me connaître, petite. Ah bon, vous êtes qui ? Bramovic. Bah, tout le monde m'appelle Zlatan. Et alors, vous pensez que vous pourriez remplacer Hanouna ? Ça dépend de l'équipe. Avec la Suède, je suis entouré que de Kotokar. Bonjour. C'est pour le casting aussi ? Oui, je suis Fouras, père Fouras, mais moi, personne ne m'appelle. Je m'appelle Grand Schtroumpf aussi, cette fois-ci. Et donc, vous pensez que c'est un poste pour vous ? Oui, une émission qui fait une audience de vieux, c'est fait pour moi. En tout cas, merci d'être venus si nombreux, enfin, de tous les deux. Zlatan vraiment... a le poste. Non, monsieur, non, c'est un casting, on doit encore choisir, et puis il faut qu'il y ait quelqu'un de dynamique. Ah, alors je suis le candidat idéal. Zlatan a le poste. Bon, alors donnez-moi trois de vos qualités. Un, mon prénom Zlatan. Mon nom, Bramovic. Non, mais j'avais dit trois. Et vous, père Fouras ? Mon premier est synonyme de perspicacité. Si le monde était fait de mon deuxième, moins de soucis, il aurait... C'est bon, Dijon, vous avez dit deux, alors... J'en ai rien à foutre, je jette la clé, si c'est comme ça. Bon, c'est une tranche où il y a une grosse concurrence, vous savez. Là, ça va me changer du PSG. J'ai l'habitude de vivre parmi les fauves, moi. C'est une tranche qui n'attire plus beaucoup de monde aussi, vous savez. Ça va pas me changer de la Liga non plus. J'ai l'habitude de la solitude. Et méfiez-vous, car en face, sur France Inter, ils sont très forts. Oh non. Ah si, si, ils ont des invités super. Non. Ah si, si, si, et surtout, ils ont une façon de traiter l'actualité, une grande intelligence. Non. Non, là, je déconne. Mettez-nous en duo, comme eux. Ah oui, père Fouras, remplacerait la journaliste qui est belge, là, et Zlatan le mec, comme ça, celui qui est super efficace, drôle, incisif. Vous voulez dire celui qui a écrit ce sketch, ça ? Moi, personne n'écrit pour Zlatan. De toute façon, ce sera difficile de faire moins d'audience. Hey, bonjour mes petites beautés, je vais pour le casting. Ah non, mais désolé, parce qu'on peut pas vous reprendre. Très bien, excellente vanne. Bon, je te renverse le bol de taboulé sur la tête, on va rigoler. Ça va pas être possible. Et pas mal, pas mal. Bon, merci, je te rappellerai. Suivante. Ah non, c'est moi qui vous casse, pas l'inverse. Pardon. Zlatan a le poste. Quoi qu'il arrive. Et voilà, on envoie le tout, tout, tout, non, tout, pas, tout, tout. Merci. De fin. Non, merci Géraldine Pelage d'être restée avec nous. Je rappelle que demain sort en salle le film de Thomas Vincent. On peut vous voir avec Thierry Lhermitte. Ce film s'appelle La nouvelle vie de Paul Schneider. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. On merci se retrouve demain.